Le maréchal sonna. « Il faut faire déchirer ce procès-verbal, » ajouta-t-il. « Vous agissez, monseigneur, comme un père. Je n'osais vous parler de mon anxiété. »« Je veux toujours que Roger soit ici, » s'écria le maréchal en voyant entrer Mitouflé, son huissier, « et j'allais le faire demander. Allez-vous-en, Mitouflé. Et toi, va, mon vieux camarade, va faire préparer cette nomination, je la signerai. Mais cet infâme intrigant ne jouira pas pendant longtemps du fruit de ses crimes. Il sera surveillé et cassé en tête de la compagnie à la moindre faute. Maintenant que te voilà sauvé, mon cher Hector, prends garde à toi. Ne lasse pas tes amis. On verra ta nomination ce matin et ton homme sera officier. Quel âge as-tu maintenant ? 70 ans, dans 3 mois. Quel gaillard tu fais ! Dit le maréchal en souriant. C'est toi qui mériterais une promotion, mais 1000 boulets. Nous ne sommes pas sous Louis XV. Tel est l'effet de la camaraderie qui lie entre les glorieux restes de la phalange napoléonienne. Ils se croient toujours au bivouac, obligés de se protéger envers et contre tous. « Encore une faveur comme celle-là, se dit Hulot en traversant la cour, et je suis perdu. »